deux ans. On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lex-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, on va parler évidemment de ce qui se passe actuellement. Le Canada qui s'est classé maintenant pour les Olympiques. C'était une première à 37 ans que j'ai pu voir. Ils ne sont pas qualifiés encore. Là. OK, ils ne sont pas qualifiés encore, OK. Non, donc, Danny. Non, le match est à soir. Le gros match est à soir à 21h okay. contre le Mexique. Il faut savoir, Danny, tout d'abord, on va commencer par le U23, la qualification olympique. Il ne reste que la CONCACAF pour les qualifications, parce que dans tous les autres continents, tout le monde est là. Il y a des belles sélections qui sont là en plus. Comment je te dirais? Bon, on sait qu'au niveau féminin, le Canada est qualifié, OK, au niveau féminin. Il faut savoir qu'au niveau féminin, c'est open, là, c'est toutes les catégories d'âge. Mais pour ce qui est chez les hommes, c'est du U23, hein, c'est une catégorie 23. Là, on a qu'à regarder, Danny, présentement, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Roumanie en Europe sont classées, la Nouvelle-Zélande sont là aussi. La Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Afrique du Sud seront pour le continent africain, l'Arabie Saoudite, l'Australie, la Corée du Sud pour le continent Asie. Et en Amérique du Sud, on a l'Argentine et le Brésil. Donc, de beaux participants pour le tournoi olympique. Il ne reste que la CONCACAF. Et il faut savoir que le Canada, il y avait deux groupes de quatre sélections. Le Canada a terminé deuxième. On a gagné 2-0 contre le Salvador. On a annulé par la suite 1-1 contre Haïti et un match de 0-0 contre Haïti et 1 contre le Honduras. Donc là, le Canada termine deuxième au fiche des pour et moins. En tout cas, plus et moins. Et on affronte le Mexique qui a terminé premier de l'autre groupe. Donc, on a Mexique et États-Unis, les deux gros canons du CONCACAF. Donc, ce ne sera pas facile, là. Non, ce ne sera pas facile, mais il faut savoir, il faut rappeler le jeune qui a joué dans la région entre 7 et 13 ans, Charles Andreas Brim, qui a joué dans les deux premiers matchs. Il a été dans le 11 partant. Et dans le troisième match, je crois qu'il a embarqué à la 60-65e minute. Donc, il a participé au match. On sait que l'entraîneur chef, c'est Mauro Biello. Hein, c'est Mauro Biello qui est l'entraîneur adjoint de l'équipe du programme de Canada Soccer, mais pour ce tournoi-là, il est là. Parce qu'en même temps, il faut savoir, Danny, que l'équipe première, elle, niveau senior, joue des matchs de qualification pour le Qatar 2022. Donc, c'est mêlant un peu. La CONCACAF a un drôle de calendrier à cause du COVID et puis tout ça. Donc là, on se retrouve dans une situation qu'un gars comme exemple, Alfonso Davis, aurait peut-être pu être là ce soir contre le Mexique. Mais là, Alfonso Davis, lui, il joue avec la grande sélection pour le Qatar 2022. On ne voulait pas manquer notre coup à ce niveau-là non plus. Mais ça va-tu bien de ce côté-là? Je vais t'en reparler après. Mais en tout cas, juste pour rappeler Danny, ce soir, le match est à 21h. Le meilleur endroit, à mon avis, pour écouter le match, c'est sur One Soccer. C'est le poste. Il n'y a pas de chaîne télévisée qui nous présente ça. RDS, TVA Sports, c'est pas fort. Ça vaut de quoi, hein? Oui, puis c'est le Canada Soccer qui est organisé avec la chaîne numérique, le One Soccer. Donc, on doit être sur le web, mais s'abonner pour ça. Un abonnement, tu peux prendre un abonnement d'un jour qui coûte 5$, à moins qu'il y ait les postes sur les chaînes que tu as, toi. Sports Pass! Peut-être que je ne sais pas si Sport Pass est présente, mais en tout cas, maintenant, à voir le match, ça va être un. Puis j'ai hâte de voir si le jeune Brim va être sur le 11 partant ce soir. C'est un gros rendez-vous. Il faut savoir que Balou Tabla est là aussi. Le gardien, c'est James Pantemis, qui est le gardien substitut du FC Montréal, de l'Impact. On a aussi Zachary Broguillard, qui joue défenseur latéral, qui est un excellent joueur aussi. Donc c'est intéressant là, d'écouter ce match-là ce soir à 21h. J'invite les gens à écouter ça. Ça serait une grande surprise si le Canada gagne ça. Là. OK. Alors, tu veux nous parler du Qatar maintenant? Est-ce qu'on a des chances? Pense pas, là. Bon, premièrement, il faut voir. Oui, on a des chances. Oui. On a des chances. La seule. La seule façon, là, c'est de sortir du. C'est tout d'abord, on va expliquer le tournoi un peu. Le Canada n'a pas eu des bons classements dans les matchs. Ils sont obligés de passer par une première phase, où ce que là, il n'y a pas nécessairement des grosses nations qui sont là, mais le groupe, le Canada, on est dans le groupe B, c'est la ronde préliminaire qu'on appelle. Il y a 6 groupes de 5 nations. Le Canada est là avec le Suriname, avec les Bermudes, avec les îles Caïmans, puis Aruba. On doit absolument terminer premier de ce groupe-là, Danny, pour accéder au. On devrait normalement terminer premier. On a gagné 5-1 lors du dernier match. Aujourd'hui, à 16h, c'est le match contre les îles Caïmans. Donc, on a gagné 5 ou 6 à 1 contre le Suriname. Donc, moi, je pense que le Canada devrait être capable de passer cette phase-là. Mais il ne faut pas échapper de match. Donc, c'est ça la question. Est-ce qu'on envoie Davis... Est-ce qu'on envoie des vis au U23, mais on l'envoie dans l'équipe première? Ben, je pense que là, le Canada a mis sa cote là sur le tournoi Qatar 2022. Je pense que c'est là qu'on a peut-être plus de chances. Donc, on doit terminer premier. Et lorsqu'on aura terminé premier, donc, ça veut dire qu'on passerait au deuxième tour. Tantôt, je te disais qu'il y avait 6 groupes de 5 équipes. Ça veut dire que les premiers de chaque groupe, les premiers de chaque groupe vont se retrouver au deuxième tour. Et c'est là, il va y avoir un tirage au sort. Et là, on devra encore un match aller-retour. Et si on gagne ce match-là, là, on va tomber dans le tour final pour Qatar 2022. Bon, qui est là dans le tour final? Les grosses sélections de la CONCACAF. Mexique, les États-Unis, la Jamaïque, le Honduras, le Costa Rica. Et là, il reste 3 places. Les 3 places qui vont gagner au deuxième tour. Le Canada devrait se rendre au moins là. Et là, on aura le tournoi final. Il faudra terminer dans les 4 premiers. Dans les 3 premiers pour se qualifier au 14, et le 4e aura une chance d'aller jouer contre une autre nation d'un autre continent. Donc, ça va être long. La route va être longue, mais moi, je pense que le Canada peut avoir une bonne chance avec Jonathan David et Alphonso Davies. David ne semble pas être là. Là, il semble blessé, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, à voir la suite de tout ça. Tableau, joues-tu? Tableau joue avec le U23. Il ne joue pas avec l'équipe première. Okay. L'équipe pas, là. OK. OK. Donc, c'est ça. Donc, non, c'est parce qu'à un moment donné, je reviens toujours à ça, on disait tout le temps, il y a le Canada a deux grands joueurs d'avenir, Badou et Alphonso Davies. Il y en a un qui a complètement éclipsé l'autre, hein? Mais là, je te dirais qu'il y en a un autre qui est en avant de Badou, là. Il s'appelle Jonathan David, il joue avec Lille en France, il a une super saison, c'est un attaquant, en plus, il est jeune, je pense même qu'il aurait pu faire le U23 aussi, je suis pas sûr qu'il a 23 ans, alors c'est de ce gars-là, lui, semble être blessé, mais l'équipe de Lille est en première position du championnat français, alors c'est quand même intéressant de voir, c'est un jeune qui arrive de Belgique, et il est appelé à s'en aller là, jouer dans des gros clubs en Europe, là, ce gars-là, il est surveillé par d'autres clubs en Europe, et il faut savoir aussi que le jeune Charles-Andreas Brim, que je te parlais tantôt, qui a joué dans la région, qui a joué dans les clubs de Jonquière et Chicoutimi, a commencé. Il s'est retrouvé en Belgique cette année, mais il s'est retrouvé au départ avec le club de Lille. Donc, il était là en même temps que Jonathan David. Donc, c'est intéressant. Ça fait longtemps que j'ai été un peu allumé sur l'équipe nationale du Canada, là. Mais de voir Alphonso Davies avec l'équipe, c'est intéressant. Et à ce soir, ben, veux pas. Tu sais que tu me connais, tu sais que je suis très pro-Québec. Je suis un gars plus québécois. L'équipe nationale Canada, moi, ça ne m'allume pas nécessairement. Mais en tout cas, là, pour le moment, ce que j'aime, c'est de voir peut-être qu'on ce soir, on va avoir des Québécois et un gars qui a joué dans notre région qui a une chance de qualifier l'équipe nationale là, pour les Olympiques de cet été. Si à moi qu'il y ait des annulations, mais pour l'instant, Tokyo semble encore en vie. Le gars que tu parles là, qui a joué dans la région, est-ce que tu l'as vu jouer dans la région? Non, je ne l'ai jamais vu jouer dans la région. Écoute, là, okay. C'est un jeune de 22 ans. Il jouait pour qui? Je l'ai dit tantôt, il a joué pour les clubs de Jonquière, le Mistral de Jonquière et le Chinook de Chicoutimi, avant qu'il parte après ça là, pour du 3A puis les équipes d'autres niveaux à l'Académie de l'Impact. Il était à l'Académie de l'Impact aussi. Donc, le club de Montréal le connaît. Je crois même qu'il y a déjà eu des discussions l'année passée avec Thierry Henry, parce qu'il joue en Belgique et on sait que Olivier Renard est un Belge. Donc, il doit être regardé et suivi, là, mais je pense qu'il préférait rester en Belgique pour le temps de jeu qu'on pouvait lui offrir à Montréal. Là. Donc, je pense qu'avoir la suite de ce jeune-là, ça pourrait arriver qu'il revienne au Canada, jouer avec Montréal, mais avoir aussi un cheminement intéressant en Europe, c'est intéressant pour lui aussi. Là. OK. Tu veux me parler aussi du stade de soccer Saguenay, qu'ils ont fait volte-face. Ben, quand ils ont vu que le stade pouvait s'appeler le stade Benoît Lavoie, probablement que ça a fait en sorte que... C'est Benoît Lavoie, on a jamais dit ça. Ils ont reculé, Non, ce qu'on a dit... Non, c'est une farce, en passant, les gens. Croyez pas ça, là, c'est une joke, en passant. Ben oui, on ne va pas l'inventer, mais je veux dire, l'idée, c'était que Michel Tifot dans le vestiaire avait annoncé que ça s'appelait Salle Soccer Saguenay. Cette semaine, je crois qu'ils ont ouvert les enveloppes budgétaires, donc à ce moment-là, ça s'en vient, le projet s'en vient, peut-être une première pelletée de terre, comme on dit si souvent, à voir. Et le nom qu'on avait donné, Stade Soccer Saguenay, ça semblait dire que ça reculait, mais non, ça n'a pas reculé. C'est vraiment encore c'est ce nom-là qui revient à la surface, en attendant qu'un jour il y ait un commanditaire majeur qui s'associerait avec ça, là. Donc à ce moment-là, on pourrait aller chercher des sous. Ça pourrait être intéressant, mais d'ici là, le nom Stade Soccer Saguenay, ce sera le nom du centre qui va se construire là, prochainement. Là. Ça fait le tour pour cette semaine. Le camp d'entraînement du CF Montréal, ça va commencer quand, là? Mais quand l'entraînement d'Annie Bientôt? est commencé, ça fait Ouais, je déjà veux dire deux pas ou le camp trois d'entraînement, semaines. je veux dire les matchs pré-saison, on veut dire. Ils n'auront pas de matchs pré-saison, eux autres, Ça a été annoncé là, que cette semaine, il y avait deux matchs pré-saison. hein? OK. On joue deux matchs pré-saison. C'est un peu que je fouille dans mon affaire. Je les avais écrits ici pour te le dire, justement. On joue contre une équipe de Tampa Bay, tout Ça, d'abord. Les c'est Roadies l'équipe dans USL, là. de Tampa Bay de la USL Championships, Ouais. le dimanche 11 avril. Et 3 jours avant, le jeudi, on va jouer contre le Tormenta du FC de la USL League, donc elle aussi. Donc, deux matchs pré-saison. Début de saison le 17 avril. Le club s'en va le 6 avril, pour terminer son camp d'entraînement en Floride. Tout à l'heure, je te parlais des joueurs qui jouent avec l'équipe nationale U23. On avait Zachary Beaugrillard, mais il y avait Jorgen Basson qui joue aussi pour l'Impact, pour le FC Montréal. Et dans l'équipe première, il faut savoir que Carmel Miller, Joel Waterman et notre Québécois Samuel Piette est là aussi pour le match après-midi à 4 heures. Il n'a pas joué le premier match, il n'était pas sur le 11 partant, mais peut-être qu'après-midi, il va être sur le 11 de départ. Donc, à voir, c'est intéressant là, de voir aller ça aujourd'hui au niveau des équipes canadiennes. Et puis, pour le FC Montréal, ben, ça s'en vient, là, ça va reprendre bientôt. C'est le fun, hein, que me dire en effet que surtout TVA Sport, parce que RDS ont quand même pas mal d'activités de ci-ci, là, mais il n'y a rien encore, il n'y a pas grand-chose à TVA Sport, donc présenter les matchs du Canada, ça aurait eu de l'allure, ça. Mais Ça serait... RDS, il y a RDS, il n'y a pas tant à faire que ça non plus. Ben, il y a du tennis, il y a du. Ben, tennis, là, je l'ai rendu qu'ils prennent tous les petits tournois qu'il y a partout sur la planète. Ben Ça oui. finit plus. Gardez-nous les majeurs puis tout ça. Lâchez-nous un peu, ça finit plus. Quand t'as un Québécois qui est en finale, c'est bien correct de le Ben prendre. oui, Même mais si c'est des un petit tournoi. tournois, il y en a quasiment deux, trois par fin de semaine. Tu sais, je veux Ouais. dire, ça vient. Je veux dire, c'est bien que c'est pas pire que le hockey, remarque, là, mais je veux dire, oui, dans ce cadre-là, que nos chaînes spécialisées ne présentent pas ça, c'est une honte, selon moi. Je ne comprends pas ça du tout, c'est une honte. On se fait tout... Est-ce que c'est parce que les matchs du soccer à la télévision ne sont pas regardés? Les gens sont sur le Mais ça web, je reste sais du pas, contenu pareil, peut-être. ça reste du contenu intéressant pareil, parce qu'on dit tout le temps, les qualifications de la Coupe du Monde, les qualifications de l'Euro, c'est des tournois avant le tournoi. C'est ça que les gens ne comprennent pas, C'est c'est des des tournois avant le tournoi. tournois, puis c'est des beaux tournois avant le tournoi. C'est toujours difficile, les qualifications. Tu as Ouais. entièrement raison. Quand tu te ramasses en phase finale de Coupe du Monde ou d'un tournoi olympique, avant de se rendre là, mais c'est comme ça dans tous les sports, en fait, là, mais il y a toujours des tournois avant. Donc, quand tu t'es rendu là, c'est parce que tu as offert des performances qui t'ont permis de te rendre là. Tu vois, comme présentement, je regarde le match France-Kazakhstan. Ça, c'est les qualificateurs en Europe. Parce qu'il n'y a pas qu'au Canada, hein, c'est partout sur la planète, il y a une trêve. Tous les clubs sont en arrêt. Tout le monde ont des matchs des sélections internationaux. Tous ceux qui jouent en matchs internationaux. Alors, on est libéré là, pendant une semaine, presque 2 semaines pour aller faire ces matchs-là. Donc, c'est ça qui est dur pour les blessures, pour les joueurs qui sont un peu partout. C'est toujours ces joueurs-là qu'on voit en Ligue des Champions, puis tout ça aussi, hein. Mais Ouais. ça fait beaucoup de matchs, mais c'est ça la carrière d'un joueur de foot, en tout cas. Fait que, à voir la suite, des beaux rendez-vous. La France a été surpris, justement, je voulais te dire ça, Oh, OK. contre l'équipe de l'Ukraine. On a une possession de balle de 65%, mais on a annulé 1 à 1 au premier match de qualification. Et là, on mène 2-0 contre le Kazakhstan. Pourtant, la France a un groupe très facile pour le Qatar, mais la France réussit toujours, Dani, à se mettre dans le trouble, là, en gagnant pas ses matchs, en jouant mou un peu, en se Le pétant la 4 ans, je tête. pense, c'est-tu le 4 ans que ça avait forcé ou le 8 ans? Ça Mais avait ça force. été. Il n'y a jamais rien de facile pour la France en match de qualification. Fait, Ouais, quand mais tu je veux dire, dis. ça avait. Il fallait qu'il gagne, je m'en rappelle, il fallait qu'il gagne Oui, absolument, c'était contre sinon il. l'Ukraine. C'était C'était contre contre l'Ukraine, c'est le ça, 4 ans, ça, hein? c'était pour les Olympiques Non, non, non, c'était pour la Coupe du Monde. On 2018, probablement, C'était en oui. 18, ouais, on disait, c'est l'année que l'Italie n'avait pas été à la Coupe du Monde, là. Oui, c'est 2018, c'est ça. Mais Ouais. faudrait que je regarde le tournoi, S'ils ça gagnaient m'intéresse. pas, en tout cas, il y avait un match, en tout cas, ils l'ont gagné, mais s'ils gagnaient pas, ils étaient exclus de la Coupe du Monde. C'était vraiment quelque chose de. Je m'en rappelle, ça avait fait. C'était quasiment quelque chose de gros, Ouais, en tout cas, oui, c'est ça. Ouais. là. Ouais. Benoît, on s'en reparle bientôt. Yes, salut Notre ami Danny. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer au sein.